Je Oui, pense. ben oui. Oui, t'es bon. Non, mais mon intro avant, dans le fond, parce que même que je dise, à la fin, je dis, ça commence maintenant, paf, la toune à part là. T'sais, tu comprends? OK. Okay? T'sais, dans le fond, moi, j'aime ça, parce que j'écoute bien des podcasts français, puis ils font ça, puis je trouve ça cool. Okay, bon. Ben, c'est ton podcast, tu fais ce que Ouais, tu veux avec. c'est ça, c'est sûr. Dans le fond, je dis, mais là, je vais le dire en lisant, là, mais tantôt, je vais le Non, dire plus naturel, là. Puis c'est bienvenue, chers auditeurs. Voici un hors-série de Balado FG. Dans cet épisode, je décortique l'extension de Destiny Rise of Iron avec un invité surprise. J'espère que vous êtes prêts parce que ça commence maintenant. Là, la toune à part, là. bon, c'est good, ça. C'est pas pire. Mais ça, Non, je vais le dire avec un peu plus d'enthousiasme. ouais. Ben, il n'y a pas de problème. Bon, c'est bon. Mais comme je te dis, tu sais, vu que tu es l'animateur, puis c'est ton premier podcast, faut vraiment que tu prennes ta place à toi. Ouais, c'est ça. Tu sais, il faut pas. Ben, ok, moi, je vais te laisser parler, je te couperai pas. Ouais, non, mais tu Mais sais, ce je que je veux veux dire, c'est qu'il faut vraiment que, là, vu que c'est le premier show, faut que tu donnes le ton à ton show. ouais, ben c'est pour ça que je voulais faire un intro comme ça. Tu sais, comme, ok, je suis là, bang, tu sais, ça part, là, tu sais, juste, ça n'a pas rapport avec les. Ça part, c'est mon projet. C'est good, ça. Ça, dans le fond, en théorie, la toune part, mais là, on va faire un blanc. Puis après ça, là, je sais si Fred au micro, Spécial Destiny, blablabla. Là, je te présente, puis là, ça part. Je t'appelle, c'est Maximum, c'est correct? Ou tu veux que je t'appelle Max? Ben, appelle-moi Max. OK. Ou ben, appelle-moi comme tu veux. Appelez Comme ça te Max. tente. Sûr que ma Sir Maximum, c'est dans les jeux vidéo. Ouais. Ben, tu peux dire Max aka Sir Maximum. Ben, je vais dire le papa de Parlons Balado. Fait que tout le monde va savoir t'es qui. Ben, je pense. Non, je pense pas que tout le monde qui écoute Facteur Geek écoute Parlons Balado. Sauf que t'es un ancien, par exemple, de Factor Geek. Oui, oui. C'est C'est ça, par exemple, oui. un bon point, Mais là, tu peux hein? faire le lien en pluguant Balado FG. Non, mais regarde, la fois que je vais dire, ça va être mon ancien collègue de Facteur Geek, papa de Parlons Balado et mon bon ami Max, dans le fond, c'est ça. Puis après ça, je vais dire, bien sûr, c'est dans le fond, Max, bien le bonjour. Ça, ben, je veux tellement le dire, parce que ça me fait tellement rire quand tu dis ça. Parce que t'es le seul que je connais qui dit ça. Fait que c'est comme ta phrase à toi. Tu Ça me me fait. bosses ma phrase. Ouais, mais juste pour un show. Ouais, je te niaise, ça me dérange pas. Bon, on va starter ça. Yes. Prendre une petite gorgée d'eau pour on start. L'enregistrement est déjà parti, fait que. Ouais, c'est bon. Fait que, dans le fond, le blanc après, ça va être correct. C'est pas l'heure du premier coup, ça serait cool. Bienvenue, chers auditeurs. Voici un. Attends un peu. Ça se peut que je l'avais pas du premier coup. Aujourd'hui, là, je l'avais tout le temps du premier coup, man. Mais tu sais, quand tu l'as pas, fais juste prendre une pause de quelques secondes puis Ok. reparler. Juste pour que tu aies ton blanc dans ta ligne. Ouais, c'est bon. Bienvenue, chers auditeurs. Voici un hors-série de Balado FG. Dans cet épisode, je décortique l'extension de Destiny Rise of Iron avec un invité surprise. J'espère que vous êtes prêts, parce que ça commence maintenant! J'en fais-tu un autre ou. Si tu veux, il n'y a pas de trou. En faire une dernière, voir. Ça va Fais l'air pas juste si pire, là. partir moins sec. Ok. C'est ton premier mot tout de suite en partant, il était paf. Je vais Fais reculer mon juste. micro. Je vais reculer mon micro. Je Non, mais pense que c'est juste. ce que je veux dire, c'est qu'à partir moins sec, c'est genre pas un gros mot en partant. Tu sais, genre, commence par salut ou quelque chose comme ça pour dire, tu sais, genre, pour amener à ta phrase, parce que sinon, ça fait juste comme paf. Ok. Tu commences tout de suite. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, ok. Ah, mais ça, je voulais que ça donne, mais en tout cas. Ben, si c'est ça que tu veux que ça donne, Mais je peux le vas-y. dire un peu moins agressif, Ouais, le mettons. premier mot. Dans juste le premier mot, Ok. genre. C'est bienvenue. Ça, je commence avec bienvenue. Enfin, je ne veux pas répéter des mots. Enfin, c'est pour ça que pour mon intro, là. En tout cas. Bienvenue, chers auditeurs. Voici un hors-série de Balado FG. Dans cet épisode, je décortique l'extension de Destiny, Rise of Iron, avec un invité surprise. J'espère que vous êtes prêts, parce que ça commence maintenant. Ça va l'air pas si pire. C'est parfait, ça. Ah, c'est pas si pire, trois coups. Yes. Bon, ok. Là, on laisse un blanc, puis je vais starter. Le premier coup, il compte pas. Hein. Que... Mm-hmm. Le premier coup, il compte pas. Là, c'est là, faut pas que je me fourre. J'ai ma petite intro, là, puis après ça, ça va bien. Dans le fond, un coup que c'est starté, ça va bien. Juste 2 secondes parce que j'ai juste à poser une question. Ferme ton mic. Max? Yes. OK. Juste un petit conseil. Mm-hmm. Ben, je commence ici, Fred, au micro. C'est trop sec encore. Hein? Non, c'est correct. Ah, c'est bon. Ok, je viens de savoir ton avis. Dans le fond, ce que tu vas faire, c'est que quand tu vas faire ton montage, après que la toune soit finie, mm-hmm. tu vas juste laisser un tout petit, genre 1 à 2 secondes de blanc. Ok. Puis là, tu vas mettre ton fichier audio, dans le fond. Ok. Puis là, ça va être correct. C'est juste que si, admettons, parce que tu vas déjà avoir de quoi avant, le monde va s'attendre à ce que tu parles bientôt. Ok. Tu comprends? Mais c'est juste que tantôt, c'est parce que c'était le premier mot que tu allais dire dans le podcast. T'sais, pas que c'était agressant, mais c'était très sec, tu sais. OK. Fait que c'est pour ça que mais j'ai dit je peux laisser 2-3 secondes avant. Tu sais, 2-3 secondes, puis ça part, dans le fond. Ouais, mais maximum 2-3 secondes. OK, c'est bon. Pas que ça soit trop long. OK. Bon, mais c'est bon. On va starter ça. Là, ça start pour 40 minutes. Ici Fred au micro pour ce spécial de Destiny. Et pour nous accompagner, j'ai trouvé un passionné aussi fou que moi pour du jeu Destiny. Mon ancien collègue de Facteur Geek. Attends un peu, je viens de le recommencer 2 secondes. Mm-hmm. C'est la seule phrase que je lis de tout le long, puis il faut que je me fourre. C'est normal. Et bon, je vais essayer que ça fasse plus naturel. C'est ça mon problème. Ben, c'est ton premier. Hein? Ouais, c'est ça. Dom, il est tellement solide avec ça. Bon, tu vois, let's go. Bon, mais Dom, en partant, il a l'habitude de parler, puis ouais. Il a de l'expérience, tu sais. Que... Ouais, ça fait longtemps qu'il en fait. Non, c'est ça. Oh, mais go. Ici Fred au micro pour ce spécial de Destiny, évidemment. Pour m'accompagner, j'ai trouvé un passionné aussi fou de moi de jeux Destiny. Mon ancien collègue de Facteur Geek, papa de Parlons Balado, et mon bon ami Maxime Duclos. Max, bien le bonjour. Salut, ça va bien? Ça va bien. Faut que je dise ta phrase fétiche pour commencer mon podcast. C'est correct, ça. Ouais, je voulais savoir en même temps comment ça va, Parlons Balado, parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu à Facteur Geek. Ça va extrêmement bien, en fait. Oui. Ouais. Toujours plus de monde qui nous suivent, toujours plus de podcasts qui apparaissent dans le monde québécois et dans le monde européen aussi. Oui, j'en écoute beaucoup d'ailleurs. Moi, sérieux, là, il y a beaucoup de podcasts français de jeux. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts de jeux. Puis les Français sont vraiment talentueux. Là. Sérieux, je sais pas si tu en écoutes. Là. Oui, j'en écoute. Puis même que Parlons Balado va commencer à recevoir des collègues européens... Ah, pour vrai? Oui, monsieur. J'en ai un à te conseiller, mon Max, puis c'est les Tauliers. Moi, je les adore. Si tu peux avoir. Les Tauliers, oui. Oui, ils sont vraiment solides. Ils ont vraiment des arguments en béton. Sérieusement, ils sont vraiment bons. Yes, ben, ouais. On va checker ça. Yes. Fait que Destiny aujourd'hui. Ok, oui. Grosse sortie il y a 2 semaines, Rise of Iron. Je pense qu'on a. T'as mis combien d'heures dans le jeu à peu près jusqu'à maintenant? Beaucoup trop. si tu collerais toutes les journées, toutes les heures, une à côté de l'autre, t'aurais pas assez de 2 semaines de vacances pour jouer. C'est clair. J'étais un peu dans le même problème. Je pense que je suis rendu à peu près à 18 jours de jeu. Hey, dans le fond, t'as joué plus à Destiny qu'à Grand Theft Auto. J'ai joué plus à Destiny qu'à peu près à n'importe quel autre jeu. Ah, c'est... Ben, comme moi, même chose. Ça a détrôné Skyrim. Mais ben, en plus, vu que ça fait 2 ans que le jeu est sorti, on joue Don't Stop, puis là, il y a une troisième année, fait que c'est le même jeu, mais échelonné sur 3 ans. T'sais. Non, c'est ça. Ben moi, le pire, là, c'est que ça fait 1 an que je joue. Ouais, je sais, c'est à cause de moi. Ouais. Ben, en tout cas, avant de commencer, moi, j'ai une petite nouvelle que je voulais dire. Puis, tu sais même pas de quoi je parle. Puis, je suis content parce que tu vas pouvoir commenter ma nouvelle. La nouvelle, c'est sur Destiny 2. OK? J'ai pris ma source Kotaku. OK, Kotaku sont pas tout le temps solides sur la crédibilité, là. Sauf que moi, j'ai trouvé ça intéressant, les faits qu'ils apportent sur Destiny 2. OK? Fait que, Max, j'espère que t'es prêt à écouter ça. Vas-y fort. Vas-y. OK. Le jeu serait une refonte complète et non une suite. Ben, OK. Moi, je trouve ça correct. Déjà, à la base, je sais pas le reste, là. Ben, regarde. Mais, déjà, un autre... là, si c'est une refonte, c'est bien. Parce que à un moment donné, il faut que tu changes un peu. Tant que ça reste un first person... Qui a les mêmes, à peu près le même type d'éléments de RPG dedans. Mm-hmm. Tant que ça reste comme ça, moi, j'ai pas de trouble. C'est ça. Ben, la chose que moi, qui me titille un peu, c'est que le personnage qu'on joue en ce moment ne sera pas transférable d'après la rumeur. Ça, c'est une chose, on est comme attaché à nos personnages. Je sais pas toi, Max, mais moi, mon arcaniste, mettons, que je joue depuis le début... Ben, j'aimerais ça continuer à jouer à Destiny 2 avec. Et puis monter au niveau 500, mettons, là, tu sais, donner une idée. Là. Ouais, non, ça c'est sûr, mais tu sais, il faut voir ça d'une autre façon aussi. S'ils font une refonte, mm-hmm. ça veut pas dire que ça va se passer dans les mêmes années. Ça se peut que ça se passe beaucoup plus loin ou avant. Bien plus avant. Ouais. Fait que tu sais, si ça se passe, mettons, je sais pas, 2000 ans avant ou plus que ça, tu sais, ou vraiment plus loin, 2000 ans plus tard, ça veut dire que ton personnage, il aurait 2000 ans ou moins 2000 ans, fait que ça peut peut-être pas marcher. Ouais, ça c'est clair. S'ils veulent réécrire une autre histoire qui est complètement parallèle à celle du premier opus, ben peut-être que c'est ça va peut-être empêcher que tu puisses justement réutiliser ton personnage. Puis, faut comprendre une affaire, que quand on joue à un jeu dans ce style-là, ce qui est le fun, c'est de recommencer un personnage à zéro, de grinder, de vraiment de travailler pour augmenter son armure, son type de ses lumières et ses affaires. C'est ça qui est le fun dans ce jeu-là. Si tu commences toujours au top, ben c'est ça qu'à un moment donné, ça fait comme « Ouais, mais là, je refais toujours la même chose. » Ouais, mais c'est sûr, mais tu nous connais. Tu sais, mettons, comme là, le niveau maximum avant Rise of Iron, c'était 335. On était tout content de monter notre personnage à 335 pour l'extension qu'on pouvait monter. Là, on va pouvoir monter jusqu'à 400 plus tard. Tu sais, on était content. Ouais, moi, je voulais la continuité de tout ça. T'sais, c'est sûr, mais tu sais, moi, ce qui me déçoit un peu, c'est que les levels, les niveaux de personnages, ils n'ont pas augmenté. Ils sont restés à 40 pour la dernière extension. Ouais. Fait qu'en faisant un Destiny 2, tu recommences à zéro ton expérience. Puis là, tu vas pouvoir recommencer à augmenter ton personnage avec les niveaux et les lumières. Ouais. Et ainsi de suite. Fait que ça risque d'être très intéressant. Là. Ben moi, je pense qu'ils vont laisser tomber les niveaux standards. Ils vont aller direct à la lumière. Je pense que les joueurs de Destiny préfèrent largement les niveaux de lumière que le niveau standard. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, là. Moi, j'aime un mix des deux. Justement, tu sais, les niveaux standards, ce qu'on appelle les levels, ouais, qui montent jusqu'à 40. Ce qui est intéressant de ça, c'est que ça bloque l'utilisation de certaines armes. T'sais, les armes, ils vont monter selon ton niveau. Puis quand tu arrives au niveau maximum, les nouvelles armes que tu pognes, C'est les lumières maintenant, c'est l'attaque, c'est l'armure qui. Ouais. La force, c'est une moyenne de ton attaque et de ta défense qui définit ton niveau de lumière. Hein. C'est ça, fait que c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux pas, mettons, commencer le jeu puis avoir du stock à, mettons, level maximum en partant. Il faut vraiment que tu montes ton personnage pour te rendre à un tel niveau pour, après ça, avoir vraiment le loot. Qui est vraiment intéressant. Parce que si tu peux le pogner en partant, c'est sûr qu'il y en a qui vont pogner des glitches, qui vont devenir hyper puissants en partant, puis qui vont détruire le jeu. Fait que c'est vraiment pour garder une balance, pour donner un certain temps au monde de pouvoir améliorer leur personnage, tout en restant compétitif, parce qu'il y a du PVP dans le tas. Ouais. En plus que les armes, on peut jouer en PVP. PVE, c'est les mêmes armes. Fait que non, c'est ça. Parce qu'il ça peut être dangereux. Ouais, il y a certains modes de PVP, joueur contre joueur, qui fait que tes niveaux ils restent activés. Ouais. Fait que tu sais, comme la bannière de fer, tes niveaux restent actifs. Fait que si tu pognes quelqu'un qui a glitché, qui glitch le jeu, puis qui pogne les grosses armes, ça sera pas le fun pour personne, parce que lui, tout ce qu'il va faire, il va juste détruire tout le monde en PVP, puis tuer ce mode-là, dans le fond. Ouais. Fait qu'en mettant un niveau d'expérience minimale pour chaque affaire, ben ça l'aide justement à une progression plus lente, puis justement à concentrer un peu plus les joueurs. Ouais, mais moi je trouve ça tellement pénible. T'sais, là, je vais me repartir un troisième personnage là, prochainement. Là. Puis je trouve ça tellement pénible de monter jusqu'à 40. Ben, je sais qu'après 40, t'sais, les légendaires embarquent, les exotiques, là, tu commences à monter vraiment en haut niveau. Ben moi, c'est mon point, mais je sais qu'il y en a qui aiment ça vraiment, tu sais, monter de niveau standard, là. Parce que, tu sais, les légendaires sont vraiment bloqués avant niveau 40, là, t'sais. Non, mais tu sais, y a-tu de quoi de plus fun que quand tu joues, là, puis ça fait, mettons, 20, 25 heures, tu joues 30 heures, puis là, tu pognes ton premier légendaire parce que tu viens juste d'atteindre ton niveau 40. Ah ouais, j'avoue que c'est 40. Cool. Tu sais, au début, là, quand ça a commencé, c'était niveau 20. Ouais. Puis c'était pas long, hein? Non, 20, tu sais, niveau 20, là, je pense que c'était 180 de lumière en plus, là. T'atteignais le niveau 20 pour pouvoir pogner les légendaires. Mais là, maintenant, c'est niveau 40. Mais au niveau 20, là, tu pognes encore du stock qui était la même puissance que les légendaires de dans le temps quand tu étais au niveau 20. Oui, oui. Parce que ça a changé, le jeu a évolué aussi. Là. C'est ça, tu restes aussi puissant qu'à l'époque. C'est juste que tu as encore de la progression à faire pour pogner du stock encore plus puissant. Fait que c'est ça qui est intéressant des niveaux. Oui. Mais d'abord... T'sais, s'ils veulent rajouter du gameplay, ben, surtout ça va être d'augmenter le niveau standard d'abord. T'sais, mettons le monter à 50, 60, comme un MMO normal, t'sais, mettons World of Warcraft ou ben, monter le niveau pour ajouter du gameplay. Oui, c'est ça qui aurait été le fun qu'ils fassent avec la dernière extension. Les seigneurs d'affaires qui montent le niveau de 10 levels. T'sais, parce que là, ce qui arrive, là, c'est que du monde, ça faisait même pas une journée. Ouais, il était à 3,85. Il était à 3,85. Mais tu sais. Ils n'ont pas eu besoin de grinder des levels. Là. Ils n'ont pas eu besoin de jouer beaucoup pour monter ça. Ils avaient déjà tout préparé leur ouais. gear. Mm-hmm. Fait que si tu bloques ça à tel niveau, eux autres, ils auraient été obligés de jouer. Puis ça aurait donné du temps de jeu de plus. Puis peut-être un peu plus de compétitivité à long terme. Juste pour expliquer un petit peu pour ceux qui ne comprennent pas, dans le fond, les sacs se sont préparés. C'est que, dans le fond, quand tu joues, tu débloques des engrammes. Tu drops des engrammes par terre, puis tu peux les stocker. Puis quand, que, mettons, on va les porter au cryptarque, ben, il est tout le temps plus haut que le level que tu as. Fait que si tu en as 50, ben, il y a bien des chances que tu montes plus vite qu'une personne qui n'a pas d'engrammes de stocker, dans le fond. Je vais t'expliquer un peu pour ceux et celles qui ne connaissent pas le principe. Non, c'est ça. Puis je vais continuer dans la nouvelle. Parce que ça va me bifurquer. Sauf que. Les anciens joueurs, les seuls qui jouent depuis le début, depuis mettons, nous autres, Max, là, on va avoir des très, très grandes récompenses au début de Destiny 2. Fait qu'au moins, ils récompensent les joueurs réguliers. Fait que ça serait cool. C'est cool, tu sais, des emblèmes. Des emblèmes ouais, ça pourrait être déjà juste des emblèmes, ça pourrait être pas pire. Ouais, tu sais, pour montrer, ah, regarde, lui, il joue depuis le début, tu sais, mettons. C'est ça, tu sais. Ouais. Comme ils ont fait, admettons, après la première année, t'avais un carnet, t'avais un. Il appelait ça un carnet de progression. Un carnet de progression de la première année, la deuxième année, puis là, la troisième année, elle vient de commencer, puis il y en a un autre. Ouais. Mais à chaque fois que tu finis ton carnet, c'était un emblème spécial qu'il te donnait, puis tout le long de l'emblème. Puis maintenant, avec le carnet, ben, tu prends des pièces d'armure, tu pièces des emblèmes, Ouais. puis tout ça, Ouais, on ça, on va en tape. parler tantôt. Ça va être un des sujets Non, de. c'est ça. Puis tout Ouais. ça, c'est tout enregistré sur le site de Bungie. Ouais. Fait que dans le score de grimoire qu'ils appellent. Ouais. Fait qu'avec ça, probablement qu'ils vont être capables justement de pouvoir te remercier. Les avoir soutenus avec le premier jeu, puis donner un petit quelque chose pour Une couleur dire, hey, d'armure ou n'importe quoi, quelque chose, là. c'est pour Un dire, fait que skins. lui, ça c'est juste à ceux qui ont joué les premières années, tu sais. Puis tu sais, veux pas Destiny, c'est un jeu que, en tout cas, je sais pas si t'es comme moi, mais moi je suis fier de porter un tel, mettons, un tel emblème ou telle armure parce que, t'sais, gars, je l'ai fait cet événement-là, puis je l'ai réussi. T'sais. Tous les joueurs de Destiny, on est un peu fiers de ce qu'on porte. T'sais, c'est un jeu un peu d'apparence, t'sais, Destiny, Ben, en comme à gros, peu là. près toutes les MMO, tu sais, dans le Ouais. fond, il y a du stock de raids, des assauts, d'affaires que tu as vraiment travaillé fort pour avoir, qui sont extrêmement rares, en fait, pour certains. C'est que, il faut vraiment que tu aies fait telle affaire qui prend tant de temps, que tu aies fait telle affaire avant pour pouvoir. Puis, à un moment donné, après peut-être 30-40 heures de jeu, hey, tu pognes cet emblème-là, hey, tu as travaillé pour, tu es fier de l'avoir, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont, tu sais. Ouais. Ah, ça, j'avoue, moi, quand j'ai un emblème, puis je regarde tout le monde, puis il n'y a personne qui l'a, jamais de suite. Jamais de Ben, suite. c'est comme celle que j'ai pognée dernièrement, celle du raid, qui Ouais, est belle à part extrêmement ça. difficile à pogner. Puis il est marqué ultra rare, tu sais. Fait que je l'ai pogné. Je suis super fier de la mettre là, parce qu'il n'y a pas grand monde qui l'ont mis à date. Ouais, je l'ai remarqué quand tu l'as mis. C'est ça que j'ai vu. Aussitôt que j'ai vu ton personnage. Puis, dans le fond, je continue encore mes nouvelles. Les planètes seraient plus grandes, plus vivantes et beaucoup plus de quêtes au lancement du jeu. On se rappelle que Destiny, le gros, gros problème au lancement, c'était le nombre de quêtes. Ben, si, mettons, ils mettent des villes plus peuplées, plus de quêtes, j'avoue que ça peut être que positif, là. Je vois pas du négatif là-dedans. Mettez-en du stock, mettez-en pour 500 heures, on va le Mais là, tu faire. sais, à la base, là, ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont l'expérience du premier, puis ils ont pu à supporter les anciennes générations de consoles. Fait que là, ils arrivent dans les nouvelles générations de consoles, puis j'ai entendu dire qu'ils allaient peut-être le faire pour Le les PC. ordinateurs, pour les Ouais, PC. c'était ma dernière nouvelle. OK. Spoil de mes nouvelles, mais c'est pas grave, c'est Ben, correct. excuse-moi, il en parlait la semaine passée. Fait que je pensais Non, je pas que. sais. Ben, j'étais Mais. supposé, je voulais faire le podcast un peu avant, mais on OK. était retardé par le temps. Mais j'avoue que c'est une grosse nouvelle pareille, sérieux, que qu'est-ce que tu viens de dire là? Que Destiny arrive sur PC, Ben, c'est le fun. il aurait dû être sur PC depuis longtemps. On s'entend que c'est un jeu fait pour le PC à la C'est base, là. clair. T'as-tu l'interface? L'interface, là, Il est tous tes fait pour une menus, souris. et voilà. Et Fait voilà. que, à la base, ça serait parfait qu'il soit sur PC. Puis ça rajouterait beaucoup de joueurs. Puis tu t'imagines-tu s'il ferait cross-platform? Ouais. Ça serait fou. Ça pourrait être malade. Ouais, Tu j'avoue, joues avec mais. ton. Tu sais, tu joues avec ton chum qui est sur PC, qui est sur Xbox. Ça met fin aux guéguerres sur les sites Qui est le de fans meilleur? de Destiny. Hey, moi, je veux juste du monde. Je veux jouer avec du monde d'Xbox seulement. Non, là, tu sais, tu dis, hey, moi, je suis rendu telle place, là. Je peux-tu avoir de l'aide? N'importe qui peut venir t'aider, que ce soit sur PC, Ouais. PS4, Xbox. Ça serait magique. Mais ça n'arrivera pas, mais ça serait magique. Ouais. Ben, dans le fond, Microsoft, il pousse fort là-dessus, par Ouais, exemple. peut-être avec Microsoft. Mais avec Sony, on oublie ça, puis j'y comprends aussi. Oui, j'y comprends à 100%. Mais on se On lancera pas commence. là-dedans. Non, parce qu'on peut en parler pendant une demi-heure. Yes. Dans le fond, on va tomber dans le vif du sujet avec Destiny. Évidemment, il n'y a pas besoin de présentation, mais je vais le faire pour les bonnes choses, là. Dans le fond, le jeu est développé par Bungie, publié par Activision, bien sûr. C'est la quatrième extension, Rise of Iron. Elle se vend des alentours de 40 $ plus taxes. Puis, il y a un collector aussi. Je sais, tu me l'as fait rappeler tantôt. Max, je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu. Mais dans le fond, c'est The Collection. Ouais, c'est ça, c'est The Collection. C'est pas un collector. Il n'y a rien de physique qui vient avec. Il n'y a aucun ajout excepté ce qui est compris à l'intérieur. Tu as Destiny, le jeu original, la première version. Tu as l'extension numéro 1, Les Ténèbres Souterraines. Tu as l'extension numéro 2, La Maison des Loups. Tu as l'extension numéro 3, Le Roi des Corrompus. Et la dernière extension qui est sortie à date, Les Seigneurs de Fer. Puis avec ça, il donne un objet d'augmentation de niveau. Tu peux commencer au niveau 40, un personnage tout de suite en partant. Ce qui donne accès, justement, comme on parlait tantôt, à du stock légendaire en partant. Ça, ben ça c'est bon Là-dessus, pour ceux et celles qui veulent suivre leurs amis puis qui n'ont jamais joué au jeu. Je trouve ça cool. c'est cool, sauf que ça enlève le Le thrill thrill. de jouer à toutes les autres extensions. Ils vont juste jouer aux dernières extensions sans passer par l'histoire principale, les trois extensions, plus la dernière. Ils vont juste aller direct à la dernière. Ce qui est un peu, Ben, fait que j'espère que moi. non, sérieux, parce qu'il faut que tu fasses le jeu en Ouais, mais tu sais, entier quelqu'un pour qui veut voir la suivre. richesse du Ouais, jeu, sauf que quelqu'un qui veut suivre ses chums, il va pas là. passer. Parce que ses chums, ils referont pas en arrière tous les jeux, là. Ben, c'est encore drôle parce que la chose que j'aime de Destiny, c'est que les joueurs s'entraident beaucoup. Tu sais, mettons, il y a un gars qui commence à jouer, tu sais, on le fait nous autres même. C'est parce que la quête principale de Rise of Iron, je l'ai faite 4 fois, même 5, là. J'ai aidé le monde à le finir, là. Fait que si un de mes chums qui commence, je sais qu'on irait l'aider, même s'il est au début du jeu. T'sais, il peut commencer le jeu pareil, même s'il est niveau 40. Il a juste à le mettre à difficile, puis les ennemis vont être Mais adéquats à son niveau, là. sauf qu'il commence niveau 40, mais il commence avec 20 de lumière, là. Non, il donne. Parce que je l'ai Oui, c'est vrai, testé il avec le donne nouveau. des. Il donne dans le fond, un équipement de base, dans le fond. Ok, fait que tu dois être à peu près à 330, Ouais. 340, à peu près quelque chose de même. Ouf, Peut-être peut-être. pas 340, Non, mais non, plus moi je pense 330, plus 320, 320 320. parce que je pense que les missions sont 320. Ils commencent à 300 puis ils sont jusqu'à 320 dans l'extension, les missions normales. Ok. Fait que d'après moi, ça doit être des alentours de ça. Ouais. Ben, c'est correct aussi, là, mais tu sais, ça reste que si vous achetez ça puis que vous avez jamais joué avant, peut-être commencer à la base. Ouais, ça je suis d'accord. Connaître l'histoire, tout ce qui s'est passé, puis faire les extensions une après l'autre. C'est quand même assez intéressant de le faire de cette façon-là. Et surtout que maintenant, depuis The Taken King, qui ont fait un job incroyable, que les missions sont toutes classées, tu peux vraiment suivre l'histoire. Tu sais, mettons, l'histoire des ténèbres, l'histoire des corrompus, Ouais. l'histoire de la maison des loups, comme un MMO normal. Tu sais, les veux pas de Taken King, il a fait un job incroyable là-dessus. Ouais, Taken King a mis le jeu en fait comme il aurait dû être depuis le début. Ouais. Mazan. Dans le fond, l'équipe qui travaille sur The Taken King, là, ils ont fait un travail. Il a fait un aussi gros travail que Sp Phil Spencer a fait avec Xbox. Ouais, ben en fait, ils ont refait le jeu. Ah, carrément. Ils ont refait le jeu tout simplement, fait que. Ouais. Puis, dans le fond, un petit supplément pour justement ce morceau, là. Comment on appelle ça? Un genre d'éclat qui donne un niveau 40. Ben ça, On. ouais, c'est un C'est un effet éclat. d'augmentation. C'est ça. Ben, pour ceux et celles qui veulent en acheter d'autres, faites-le pas, s'il vous plaît. Mais je vais le dire parce que c'est possible. On peut en acheter sur le PSN ou Xbox Live. C'est 30 $. Ça vaut pas OK? la peine. Ça vaut Je sans sais, joke, ça mais vaut pas la peine. effacez-le pas. Délitez pas votre éclat. Ben, ça vaut 30 $. Juste comme ça. Si vous en voulez un autre, là, c'est pas gratis. Non, c'est ça, c'est à 30 pièces tu y penses, tu sais. Ah, c'est clair. Ben, ça aurait été le fun pour ceux qui ont déjà les trois personnages, qui puissent les changer contre quelque chose dans le jeu. Moi, j'aurais trouvé ça cool, tu Ouais, sais. T'as j'avoue que ça aurait été cool. trois personnages déjà. Tu peux pas en faire plus que trois. J'avoue Peut-être que ça si tu sert à pourrais rien. l'échanger. Ouais, si tu pourrais l'échanger, je sais pas, moi, contre 200 IQ légendaire, peu importe, là. Non, moi je sais qu'est-ce qu'il pourrait faire. Quand tu démantèles, qui te donne la poussière d'Argentum. Ça serait pas pire. Ouais, parce que c'est quand même assez. C'est Assez pas rare. si. Mais on va en revenir tantôt, Ouais, je expliquer sais, c'est mais quoi. Ouais, mais c'est juste que c'est tellement rare dans le jeu, il fallait que je pousse la craque. Oh. Mais la rareté, c'est très bien. Ouais, puis y a une affaire qui me titille un peu. J'ai hâte qu'on soit rendu à la bannière de fer là, vers la fin, là, parce que y a quelque chose, j'ai hâte d'avoir ton avis là-dessus. Bon, ben, on va commencer. On va commencer avec l'histoire. Okay, je sais pas, Max, si tu voulais un peu dire où ce qu'on est rendu au niveau de l'histoire. Je peux le faire, mais tu peux, si tu te sens à l'aise, vas-y. Ben, si tu veux, oui, je peux commencer. Dans le Ouais. fond, l'extension commence avec les seigneurs D'affaires. de fer qui se battent contre un ennemi qui s'appelle l'Aria. En fait, c'est une intelligence artificielle, mais vivante, qui va modifier n'importe quoi pour augmenter, peu importe, là, créer de la techno ça crée de la technologie, en fait. Puis les seigneurs de fer sont en train de se battre contre ça parce qu'ils ont perdu le contrôle. Puis avant que ça l'envahisse la Terre au complet, ben ils l'ont isolé. Ils l'ont mis en quarantaine, Ils l'ont en mis en fond. quarantaine en Ouais. arrière des murs, de certains murs. Puis là-dedans, Lord Saladin, ça c'est celui qui est depuis le premier jeu qui gère la bannière de fer. C'est lui qui va donner les missions, les armes et ainsi de suite. C'est le dernier survivant des De cette guerre-là, dans le Iron fond, Lord, ouais, de cette guerre-là. ouais. Fait que lui seul, dans le fond, l'extension, c'est que tu vas reprendre le contrôle des seigneurs de fer. Tu vas devenir un seigneur de fer toi-même, puis combattre les déchus qui ont été modifiés par l'arrière. Ouais, parce que dans le fond, les déchus sont enfermés. Dans le fond, quand que l'Aria est en quarantaine, les déchus sont enfermés avec l'Aria, puis ils se servent de cette technologie-là, dans le fond. Puis C'est les ça. déchus deviennent plus forts, plus intelligents, plus rapides. T'sais, c'est des nouveaux ennemis. Fait que, puis ils réussissent à sortir finalement pour essayer de nous envahir, dans le fond. Ouais, Si j'ai bien compris l'histoire. il explique pas exactement comment ils sortent, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, ben tu sais, il y a des trous, je sais pas, tu sais, quand on se promène, Ouais, c'est ça. il y a des trous, ouais. Il y a comme quelqu'un qui est passé avec une épée hyper puissante puis qui a tout coupé, Ouais. sauf qu'on l'a jamais vu. Fait que Ouais. ça aurait été le fun qu'il l'intègre à l'histoire, là. Ouais. Et toi, comment tu l'as trouvé l'histoire? Parce que moi, sérieusement, je l'ai adoré. J'ai C'est adoré l'histoire. une très bonne histoire. Elle est courte, okay, on va se le dire. Ouais. Elle est très courte. C'est le côté négatif, de C'est le côté l'extension, là. négatif, mais Destiny n'ont jamais fait des DLC avec des histoires très longues. Non. Ça a toujours été seulement quelques heures. Dans ce cas-là, un bon 2 heures à peu près. Oh, maximum. T'sais, Maximum 2 heures. c'est ça. Ça, ouais. Si tu es tout seul, c'est un peu plus long. Mais t'sais, Destiny est fait pour jouer en trio. En trio, c'est un gros max 2 heures si tu te promènes puis que tu perds bien gros ton temps, là. Ouais, si tu cherches Mais partout. c'est ça. Mais le jeu, l'extension, dans le fond, la quête principale, c'est juste l'introduction au jeu. Parce que c'est dans le fond, le contenu de fin de jeu qui est très important dans Destiny depuis le début. Ben dans le Ça fond, c'est a beaucoup toujours le été ça. grinding qui est important. C'est ça. Dans le fond, le but, moi je compare tout le temps ça un peu à Diablo. Dans le fond, Diablo, tu finis le jeu une fois, puis toi, qu'est-ce que tu veux? Tu es à la recherche d'équipement. Et Destiny est faite un petit peu sur le même frame que Diablo, dans un sens, tu fais la quête principale, puis après ça, le jeu commence. OK, moi je suis à la recherche d'équipement pour faire des activités encore plus haut niveau. C'est Dans le ça. fond. Regarde, si t'es pas un grinder, si t'aimes pas ça, refaire des missions Destiny, c'est pas pour toi, malheureusement. Ben, non, c'est ça. Parce que dans le fond, le but, c'est de faire le raid. Mais pas le raid version normale. Le but ultime de Tiens. Destiny, c'est de faire le raid en mode difficile. Ouais. Puis pour ça, faut que tu sois à 385 de lumière et plus. Puis pour l'instant, c'est extrêmement difficile de se rendre-là. Ouais. Ben, c'est long, mais ils ont quand même donné beaucoup d'options pour pouvoir augmenter. Je trouve que c'est beaucoup plus facile qu'avant de monter lumière. T'sais, si quelqu'un joue beaucoup, là, t'sais, quelqu'un, je parle, joue beaucoup 10 heures par jour, là, il serait capable de monter assez rapidement en lumière. Mais j'avoue que, je veux dire, comme toi, des fois, quelqu'un qui joue comme nous autres 2 heures, ça peut être un peu plus long, là, monter. Ça tu rentres jusqu'au raid, là. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis ceux qui font pas les raids ou qui ont de la misère dans les assauts, parce que pour faire les assauts maintenant, il faut être au moins 350 de lumière, ou sinon ça devient très difficile parce que les assauts, ils ont été augmentés de niveau. Les anciens assauts au niveau difficile, ils étaient 320. Maintenant, c'est les assauts au niveau facile qui sont à 320. Ouais, parce qu'ils sont 350, les niveaux épiques qu'on appelle. Ouais. Ouais, les épiques. Puis, dans le fond, c'est deux niveaux de difficultés différents qui sont plus hauts. Puis, la chose que j'ai aimée, même les anciens assauts, ils n'ont pas juste augmenté la force des ennemis. Moi, je fais des boss, là, des fois, là, puis ils ont comme changé certaines choses. Tu sais, je veux dire, tu sais, le fameux boss, tu sais, c'est l'œil qui sort du milieu, là, puis on a des murs gauche à droite qui nous poussent, puis je sais pas comment expliquer, je sais pas c'est quoi le nom de ce boss-là. En tout cas, c'est juste pour donner un exemple. Ouais, c'est un hydre, là. Ouais, c'est ça, c'est comme un... whatever, là. Mais en tout cas, tu sais, au début, quand on le faisait en épique l'an passé, c'était beaucoup plus large, dans le fond. Ouais. T'avais comme des murs qui se referment, mais là, ils se referment très, très, très, très, très serrés. Fait que c'est beaucoup plus difficile parce que t'as des ennemis là-dedans, puis t'as le boss en plus. Fait qu'ils ont pas juste augmenté les ennemis, ils ont modifié les assauts pour qu'ils soient plus difficiles en eux-mêmes. Moi ça, j'ai mais vraiment ils aimé ont ça. Pas juste fait ça aussi, ils ont intégré dans certains assauts l'aria. Fait qu'il y a certains assauts que les boss finales sont modifiés avec de l'aria, fait qu'ils sont encore plus difficiles. Plus puissants, ouais. Beaucoup plus puissants qu'à l'époque. Fait que ça crée, c'est vraiment, ça crée que, hey, tu peux vraiment faire des assauts, puis avoir du bon matériel, parce que quand les ennemis sont plus puissants, t'as du meilleur matériel aussi. Mais dans le fond, parce que pour les assauts, dans le fond, il y en a un nouveau, Mauvais Oeil, qui est excellent, by the way. En fait, il y a deux nouveaux assauts. Ben, dans le fond, c'est ça, j'y arrivais. Dans le fond, il y a un nouvel assaut, puis deux assauts remasterisés, dans le fond. C'est Bungie, là, je suis allé lire. Oh, ouais. C'est remasterisé, dans le fond, sont mis au goût de l'aria. Dans le fond, il y a ces deux assauts de l'an 1 qui ont remis à l'an 3, dans le fond, finalement. Là. Mais le nouveau, Kovic, dans le fond, c'est le boss de fin, moi, je le trouve vraiment le fun à faire. Sérieusement, je sais pas. C'est Sepik, je crois. Non, ça, c'est Sepik premier. Ouais. Ça, c'est un assaut de l'an 1, ça, qu'ils ont refait pour l'an 3. Il était là dans l'an 1. Ah, c'est oui, un remasterisé, ça. Qui est beaucoup plus difficile qu'avant. Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Mais Kovic, c'est le, dans le fond, log qui est enchaîné, puis t'as comme le boss en arrière. Moi, j'ai trouvé très original, celui-là. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Ben, et surtout... C'est un petit arène, hein? Ouais. Fait que t'as pas le choix de tourner en rond. T'as le gros œil qui tire, qui cherche à te battre. Puis t'as l'autre, le boss, dans le fond, le prêtre, qui est à l'autre bout, qui tire partout. Puis mais en plus, t'as des sbires qui se promènent. Ouais, ouais. Fait que t'as vraiment du monde partout. Puis toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que vraiment que tu cours, tu te promènes, tu tires un peu partout. Puis là, il est invincible, fait que tu peux pas... Tu peux pas le tuer. Tu peux pas le tuer. T'attaquer à lui. Fait que faut vraiment que tu te concentres sur les autres. Mais lui, il va quand même assez vite. Vu que la reine est petite, t'as pas vraiment de place pour te cacher. Fait que c'est vraiment ça qui fait que faut que tu travailles en équipe. Quand t'es à plusieurs, il faut vraiment que tu travailles en équipe parce que tout seul, tu peux pas le faire. Ben non. Parce qu'il y en a un, faut qu'il attire l'ogre, puis les deux autres s'occupent du boss. Petit hint comme ça, là. Mais c'est quand même difficile parce que, mettons, le seul qui s'occupe de l'ogre, il meurt, là. Tout le monde est comme dans la chenoute. Ouais, parce que là, faut qu'il arrête d'attaquer le boss pour aller sauver son coéquipier. Parce que sinon, c'est 30 secondes d'attente avant qu'il puisse réapparaître. Mais dans cette arène-là, tu peux pas te permettre d'attendre 30 secondes parce que l'ogre, il part tout de suite après un autre. Puis là, ça veut dire que t'es deux. Fait que t'as le boss qui te tire dessus, t'as l'ogre qui te court après. Fait que rendu là, t'as pas le choix d'être trois pour le faire, pour vraiment avoir une chance de te faire du fun aussi. Oh, oui, parce qu'il est quand même difficile, faut s'entendre, quand tu le fais à épique, là. Tu sais, même si on est rendu... Moi, je suis rendu à 360, je l'ai refait à épique. Je l'ai quand même trouvé difficile, là. On était trois, puis c'était quand même de la job. Ben, c'est dû à la reine, le style de la reine qui est fait petit. Parce que c'est comme un rond, avec des piliers un peu partout autour d'eau. Fait que c'est, dans le fond, ça... tu peux juste te cacher derrière ces piliers-là. Mais ça, le boss, tu... il te one-shot quasiment. Là. Sérieusement, quand il te touche, là, il t'enlève 90% de ton énergie. Fait faut que tu fasses vraiment attention. Moi, je veux son gun. Je sais pas si. Est-ce qu'il le loot? Est-ce qu'il le... Non, c'est... non. Ah, ok. Ah, je savais pas. J'ai pas vérifié toutes les loots. J'ai pas vu, en tout cas. Non. En parlant de loot de boss, justement, tu m'arrives à mon prochain sujet qui est les clés passe-partout. Ça, c'est un nouvel ajout depuis Rise of Iron que j'adore. Dans le fond, tu fais des assauts, tu as une chance qu'il te drop une clé passe-partout. Cette clé-là, elle te sert à ouvrir des coffres quand tu finis des assauts. Dans le fond, tu tues le boss, tu as un coffre qui apparaît, et si tu utilises ta clé, parce que tu n'es pas obligé, tu peux choisir l'assaut que tu veux, t'ouvres le coffre et il te donne un loot relié au boss. Dans le fond, c'est un arme de boss ou un équipement de boss. Dans le fond, on va dire ça comme ça. Parce qu'avant, l'an passé, il fallait farmer sans arrêt des assauts pour pouvoir avoir ces armes-là. Là, ils ont trouvé ça pour faciliter les armes de boss. Puis moi, je trouve ça très apprécié. Je sais pas comment tu trouves ça, Max, mais moi, j'adore ça. Ben, j'adore ça parce que c'était extrêmement long réussir à avoir du stock de boss. Fallait que tu refasses et que tu refasses et que tu refasses des dizaines de fois. Ah, plus que ça. Si c'est pas plus. Le même assaut pour pogner, pour avoir une chance de pogner l'arme ou l'armure de boss. Parce qu'ils sont très belles. En général, les armes de boss, ou c'est des pièces légendaires. Ça veut dire que tu peux toutes les équiper en même temps. C'est pas des exotiques, parce que les exotiques, c'est juste une armure ou une arme. Ça, c'est des armes jaunes. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui fait que, l'exotique est intéressant, mais le légendaire est encore plus intéressant parce que tu peux toutes mettre des légendaires. Fait qu'en payant des pièces de boss, souvent les armures ou les armes, ça fait que ton bonhomme, il donner vraiment plus un style qui t'appartient à toi. Ouais. T'sais, et puis, ils ont souvent des perks, des augmentations bien, bien spécifiques à eux. Ouais. Puis l'affaire qui est cool, c'est qu'avant, tu farmais, imagine, comme un défoncé. Parce que moi, je me rappelle, tu te rappelles, moi, mon arme préférée, Max, c'est les traînes de Malok. Mm-hmm. Ça, c'est une arme qui est extrêmement dure à avoir. Même Max, il ne l'a pas encore. Non, ça, je l'ai pas. Tu as d'autres armes que j'ai pas, mais bon. on se taquine avec ça. Mais c'est ça qui est le fun de Destiny. Ouais. Il y a tellement de stock, il y a tellement de types d'armes, types d'armure, que tout avoir, c'est presque impossible. Fait qu'il y en a qui ont des affaires, il y en a d'autres qui en ont pas. Fait que c'est ça qui est intéressant. Comme il y en a qui effacent du stock qui ne devraient pas. Ouais, hein, Max? Non, mais dans le fond, je voulais dire, comme moi, mettons les traînes de Malok, ça m'a pris, je pense, j'ai farmé 75 fois l'assaut pour pouvoir l'avoir, mais ça veut pas dire qu'il va y avoir les perks dessus que j'aime. Non, c'est ça. Là, avec les clés, ben, je vais pouvoir, mettons, si je veux avoir cette arme-là, je peux ouvrir juste ma clé à l'assaut qui donne cette arme-là, puis pogner les perks que je veux sur l'arme. T'sais, fait que ça, c'est quand même intéressant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ces clés-là, ils les donnent pas à tout vent. Fait que c'est non. Vraiment, tu vas en récupérer une de temps en temps, nowhere, là, sans savoir, tu vas en pogner une. Ah, ben, tiens, j'ai pogné ça. Mm-hmm. Fait que quand t'en pognes une, là, tu vas aller chercher le raid, l'assaut qui t'intéresse le plus pour avoir la pièce d'armure. Tu sais, il y a les complétionnistes qui, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est avoir toutes les armes spéciales puis toutes les armures spéciales. Comme moi. C'est ça. Moi, je suis un collectionneur dans Destiny. moi, un peu moins, là. Mais il y en a du monde comme toi qui préfère. Faut dire qu'il y en a qui sont vraiment belles. Là. Ouais, sérieux. Ouais, il y en a qui sont vraiment écœurantes. Surtout, en tout cas, les nouvelles armes de raid, là, elles sont vraiment belles. J'ai hâte de faire le raid pour pouvoir en avoir. Là, ben, vas-y, excuse-moi. Justement, Max, en parlant de raid... quand le podcast va sortir, sûrement que le raid, la version difficile, va être sorti va sortir. Fait que le monde qui aime les raids, ben allez-y. La version difficile est sortie. Le moment ultime de chaque fan de Destiny arrive. Super. Puis en plus, le monde, il farm le raid, puis il essaie d'apprendre. Parce qu'il faut se dire que le raid, c'est extrêmement difficile. Moi, il y a beaucoup de monde. Il me disait, pouf, le raid, c'est facile. Puis quand ils embarquent dans le raid, ils font comme OK, tu sais, tu me dis que c'était difficile, mais c'est 100 fois plus difficile que je pensais. Mais tu sais, c'est parce que c'est contraire à un assaut. Tu sais, le monde qui font beaucoup d'assauts, oui, c'est dur les assauts, mais tu peux être un Rambo si ça te tente vraiment. Tu sais. Ouais. Il n'y a pas de problème à... Tu tires n'importe où, à un moment donné, tu vas l'avoir, tu vas y arriver au boss. Ouais. Tandis que le raid, c'est des étapes, c'est des casse-tête. Puis à chaque étape, il faut que tu fasses le casse-tête. Puis c'est une stratégie d'équipe. Il y a vraiment une façon de faire pour chaque partie de chaque raid qui est propre à celle-ci. Il y a pas. Faut vraiment que ça soit une équipe qui se parle. Si le monde se parle pas, ils pourront jamais faire le raid. Non, mais ça, je le dis tout le temps à chaque fois. À chaque fois que j'en parle de Destiny, là, j'ai tout le temps, il faut tout le temps que les six se parlent. Même s'il y en a un qui n'est pas dans le chat vocal, là, ça marche pas. Faut que tout le monde soit en conversation tout le temps. C'est ça, parce qu'il faut que tu aies un leader. Il faut qu'il y ait un leader du raid. Ensuite, chaque personne doit rendre des comptes au leader pour dire « Ok, je suis rendu à telle place, je suis rendu à telle place. » Parce que lui, il ne peut pas aller voir « Ok, toi, t'es-tu là? Tu n'as pas le temps. » Il faut vraiment que tu fasses les affaires synchronisées. Fait que tout le monde, faut qu'il se parle. Ouais, ça je suis d'accord. Parce que je l'ai fait. Moi, j'ai fait le caveau de verre quelques reprises. On l'a-tu essayé? Hein? Ouais, ben moi, je l'ai fait sur Xbox. Parce que moi, j'ai le jeu sur deux consoles comme Max. Ça, c'est drôle. On a tous deux jeux pour les extensions, sauf Rise of Iron sur les deux consoles. Ah, moi, j'ai essayé deux. Ah, toi, t'es fou. Mais dans le temps que je jouais beaucoup, dans le fond, l'année 1, j'ai joué beaucoup sur Xbox, j'ai fait à quelques reprises le caveau de verre. Puis j'ai un peu lâché par la suite parce que c'est difficile quand même de trouver 6 personnes en même temps. Tu sais, tout le monde a une vie de famille, travaille, va à l'école. Ben, c'est que c'est long aussi, c'est pas une affaire d'une demi-heure 45 minutes. Là. Non, la première fois que tu le fais, là, tu peux nager pour 10 heures. On parle de plusieurs heures de travail. C'est pas. Les premières fois que tu le fais, c'est du travail. Hein, ouais, c'est clair. C'est pas autre chose. C'est clair. Bon, ben, on va laisser le raid de côté, ouais, si tu veux bien. Ouais, ben, non, mais c'est le fun de parler du raid. Non, mais mec, qu'on le fasse, on en reparlera. On en reparlera, ouais. Puis dans le fond, il y a un nouvel espace social aussi, que moi, j'adore. Je pense que c'est le plus beau à date, là. Sérieux, là. C'est le plus détaillé de toute la game. Ah, mais tu sais, c'est un peu... Tu sais, dans le temps des chevaliers, là. Un peu, c'est un peu ça le thème de Rise of Iron. Parce que, tu sais, le récif, c'était ordinaire, sérieusement. Tu sais, point de vue beauté, là. Ben, c'est que c'était très petit. C'est à peu près la même... En fait, c'est à peu près la même taille. Sauf que c'est très neutre comme endroit. Il n'y a rien... C'était mauve, noir. Il n'y a rien de spectaculaire. Ouais, c'est des machines. C'est un garage. T'es dans un garage, en fait. Ouais. Fait que, c'était très ordinaire. De la tour, qu'à un moment donné, après 2 ans, 3 ans, on commence un petit peu à tanner d'y aller. J'ai fait le tour. Non, on n'a pas le choix d'y retourner pareil parce que toutes les factions, sont là. Les preuves, quand tu fais des tours de cadran, tout est là. Ouais. Mais le nouvel espace social est très intéressant aussi. Moi, je l'adore. Puis, tu sais, point de vue visuel, comme je disais, c'est incroyable. Puis, tu sais, qui a ajouté des nouveaux PNJ, qui donnent une nouvelle quête, tu sais, une nouvelle histoire, puis tout ça. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, ça fait changement. Tu sais, comme je disais tantôt, le récif, puis la tour, on a fait le tour. Puis, tu sais, Maître Saladin qui est rendu là, puis c'est lui le responsable. Ça s'appelle le Pic de Fellwinter, dans le fond, l'espace social. C'est le Temple de Fer, hein, dans le fond. Oui, c'est le Temple de Fer. Le Temple de Fer sur le Pic de Fellwinter. Ouais, c'est ça. Je comprends bien. Ben, en fait, le Pic de Fellwinter, c'est la première mission. Ouais. Dans le fond, il faut que tu libères le pic de Fellwinter pour aller au temple, dans le fond. C'est pas mal ça, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, dans le fond, ouais, ça, c'est la plus belle. Puis, dans le fond, c'est ça, je voulais dire, ils donnent une nouvelle quête. Puis ça, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire sur l'espace social. Je sais pas si tu avais des affaires d'autres à ajouter. Ben, ça me fait penser un peu dans Dark Souls, un peu. Tu sais, tu rentres, c'est comme tout en roche. Tout est fait en roche. C'est un gros temple. Il y a comme au centre, il y a une chose avec du feu. Il y a des grosses cloches, des grosses statues. Ouais. C'est impressionnant. Tu sais, tu vois l'importance que ça a. Ça donne comme un... OK, c'est gros, c'est important. Il y a quelque chose... Il y a de l'histoire en arrière de ça. Ouais. Tu connais pas l'histoire, mais il y a une histoire en arrière de ça. c'est ça que tu ressens. C'est plus drabe comme les autres espaces sociaux. Fait que c'est ça qui rend la chose quand même assez intéressante. En masant. Puis en passant, les cloches servent à quelque chose. Ouais, juste ben, que, je le dirai pas, je veux pas spoiler, mais je vais juste donner un petit indice. C'est pas vraiment un spoiler parce qu'en fait, c'est comme un genre de petit challenge que tu vas faire avec tes chums pour avoir un trophée ou un. Comme sur Xbox, ils appellent ça des succès. Ouais. C'est juste ça que ça donne, mais il y a quelque chose à faire avec les cloches. C'est pas. Ouais. Allez voir par vous-même, essayez-le. Ouais, non, c'est ça. Ça reste que c'est. Le but du jeu, c'est de découvrir puis de fouiller un peu. Ben, c'est la force de Destiny, c'est vrai. Moi, sérieusement, je pense que c'est une des affaires qui me tient sur ce jeu-là. Ben, c'est la force de toutes les MMO. Ouais. Tu sais, il faut vraiment que le monde. Il y a tout le temps des affaires cachées partout. Fait que c'est pour ça que le monde accroche. Il y a toujours quelque chose à faire. Ouais. Puis, il y a une chose que moi, je trouve. Qu'ils ont vraiment. Ben, c'était bon au départ, mais là, moi, je capote, là. C'est la musique. Sérieux. La musique de Rise of Iron, je la trouve vraiment, vraiment bonne. Ouais, c'est épique, là. Oui, c'est ça. Ils ont fait une musique plus épique que les anciennes versions. Ouais. Avec Taken King, le roi des corrompus, il avait déjà fait un type de musique qui était quand même assez enrobante, qui était quand même assez épique. Ben, je trouvais que c'était un petit peu plus agressif. Ouais, agressive, la musique dans The Taken King. Mais là, avec Iron Lord... Rise of Iron, c'est correct. ils ont comme monté d'un cran, sont allés un peu plus au niveau, je dirais, des musiques un peu plus orchestrales. Plus un peu à la Skyrim, genre. Un peu plus à la Seigneur des Anneaux, quelque chose comme ça, avec des choruses, des fonds de voix, avec de la musique très enrobante, très. T'sais, qui te fait pas te pomper le cœur un peu, mais t'sais, qui a un sentiment, t'sais, la musique qui a un sentiment, fait que c'est vraiment intéressant. C'est la première fois que tu loads le DLC, la nouvelle musique à la juste du menu, là, juste du juste menu. La musique du menu. Partez pas le jeu tout de suite, faites juste l'écouter un peu, vous vous mettez dans le bain. Ça va vous mettre dans le bain pour le nouveau DLC. Fait que ça fait juste donner un gros plus pour le DLC. Là. Ah, c'est clair. C'est moi, je trouve que c'est la meilleure jusqu'à maintenant. Malgré que la première, la 1, je la trouvais très bonne. Mais celle-là, elle est vraiment au top. Là. C'est vraiment faut solide. Dire qu'ils n'ont jamais raté côté musical dans Destiny. Ils ont toujours réussi à aller chercher un petit quelque chose sur chacune des bandes sonores. Ouais. Des bandes sonores. Là. Ouais. Fait que ça va être ça pour la musique qui est totalement épique. Puis, dans le fond, il y a une nouvelle zone qui est disponible. Dans le fond, les nouveaux ennemis qu'on parlait tantôt, là, c'est plus puissant, plus intelligent. Ça s'appelle la contrée infestée. Il y a beaucoup de choses à faire là, Max. C'est énorme. Je pense que c'est le plus gros espace à explorer de tout depuis le début de Destiny. Je me perds. Sérieux. Ouais, ben, à un moment donné, tu te retrouves parce que tu te promènes pas mal. Moi, je suis rendu pas pire. Il y a beaucoup de recoins, de passages secrets qui t'amènent à d'autres places. C'est très chaotique par moment. Ce que je veux dire par là, c'est que tu arrives, tu rentres dans un cargo, un gros cargo. Il y a des containers partout. Là, tu s'en vas un petit peu plus loin. C'est un bunker. Il y a vraiment beaucoup de choses puis il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a énormément de secrets qui sont cachés. Fouiller partout, sérieusement. Fouiller partout, aller. J'étais juste un petit coup d'œil. Des fois, des fragments. Puis c'est important parce que tu peux gagner des trophées, des choses comme ça. Puis ça débloque, justement, tantôt, tu parlais du carnet de progression des années. Là, c'est un carnet de progression. Puis ça débloque de l'expérience, ces carnets-là, quand on trouve des choses dans le monde, dans la contrée infestée, finalement. Non, c'est ça. Le carnet, comment il est fait, il est séparé en quatre zones. T'as la contrée infestée, t'as l'épreuve, t'as le raid. Puis l'autre, c'est juste des défis un peu n'importe où. Là. Ouais. Puis dans la contrée infestée, c'est vraiment un monde à part. Tu retrouves certaines parties du cosmodrome où ce que tu commences, mais qui ont été modifiés par l'ARIA. Fait que ça donne un petit look très intéressant. Ben moi, je trouve ça nostalgique, sérieux. Parce que c'est comme... Tu recommences de où, dans le fond, où est-ce que tu as commencé ton aventure, dans le fond. Ouais, exactement où est-ce que tu as commencé. Tu y retournes pour des missions, pour... Tu peux juste y aller et retourner dans le genre de cimetière de voitures rouillées. Tu peux y retourner, puis il y a des monstres, il y a des affaires à débloquer là aussi. Il y a du stock partout. Il y a beaucoup de choses qui rappellent le début du jeu, qui vont te faire revivre certains événements que tu as connus à l'époque. C'est pour ça que tantôt on disait que c'est important que si vous commencez de collection, de faire l'histoire, comme ça va vous remettre dans le bain. Oui. Ah, je suis tout à fait d'accord parce que c'est quand même important. Il y a beaucoup. Thank you.